Hey, Kanyang. Mercredi 2 mars, auditrices, auditeurs, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. À deux semaines de la fin du mandat de la Commission nationale des terres et autres biens CNTB, 31% des dossiers restent en attente de traitement, affirme le porte-parole de cette commission. Une dizaine d'adeptes de Zébi sont incarcérés au cachot de la commune Boussoni en province Kirundo. Vous aurez les détails dans cette édition. Lancement ce mercredi de la 13e édition du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel en Festicab qui débute le 27 mai de cette année. Dans la chronique N, on vous parlera des conséquences et des images choquantes avec le photojournaliste Onesfor Nibigira. Le point, c'est dans cette édition mise en onde par Eric Ouimana. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page société pour débuter cette édition. Plus de 70 retraités de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi réclament des indemnités de fin de carrière que prévoit le statut du personnel de cet institut. Mais si le bureau de la présidence de la République du Burundi a recommandé en août de l'année dernière le paiement de ces indemnités, ces retraités regrettent que cette recommandation n'ait pas été mise en exécution et au niveau du ministère en charge des finances, l'on a opté de soumettre cette question au Conseil des ministres de ce mercredi pour des orientations. Le point avec Eline Bel Nibigira. Tout a commencé au mois d'août 2020 quand les indemnités de fin de carrière pour les retraités de l'Isabou ont été suspendus, font savoir ces retraités. Toutefois, le statut du personnel de l'Institut des sciences agronomiques du Burundi du 8 septembre 2010, en son article 7, qu'une indemnité de fin de carrière est accordée à un agent de l'ISABU qui part à la retraite normale après avoir servi l'Institut pendant 10 ans. Ce statut, signé par les ministres Odette Kaitesi de l'Agriculture à l'époque et Clotilde Nidigama, qui était chargé des finances, précise que cette indemnité est accordée aux retraités encore en vie. Après avoir saisi le chef de l'État le 28 mai 2021, le bureau de la présidence de la République a donné des orientations, comme cela transparaît dans la correspondance envoyée au ministre de l'Agriculture et celui des Finances le 25 août 2021. Cette correspondance, signée par le chef du cabinet civil du président de la République, recommande de continuer à accorder l'indemnité de fin de carrière au personnel de l'ISABU si le budget prévu et le permet. Mais Gabriel Nidigama recommande aussi la révision de ce statut du personnel. Après avoir reçu la correspondance, le ministre de l'Agriculture, Ndeogi Derurema, a demandé à son collègue des finances, Domitien Dihokubgayo, de mettre sur pied une équipe conjointe chargée d'étudier les modalités de mise en œuvre des recommandations du président de la République. Cependant, ces retraités trouvent que rien n'a été fait. Même si ces retraités accusent le directeur général de l'ISABU d'avoir rendu la tâche plus difficile, Alfred Nyokwishimira dit que le dossier se trouve chez ses supérieurs. Ces retraités se demandent où a été affecté le budget leur destiné et surtout pourquoi les recommandations du chef de l'État n'ont pas été mises en exécution. Au niveau du ministère des Finances contacté, l'on répond que la question doit trouver des orientations dans le Conseil des ministres de ce mercredi. Eline Bel Nibigire, vous voudrez bien nous excuser de cette erreur de montage. La Commission nationale des terres et autres biens, CNTB, termine son mandat de 3 ans dans 2 semaines. Les dossiers qui seront exécutés cette semaine dans toutes les provinces, selon le porte-parole de cette commission, s'élève à plus de 350. La province de Lumonge étant en tête, Daniel Ngendakouman indique toutefois que bien que le mandat prenne fin bientôt, plus de 31% des dossiers restent en attente de traitement. On l'écoute. Nous voudrions préciser ici que les dossiers qu'on met en exécution au niveau des délégations provinciales sont ceux qui n'ont pas connu un acte de recours aux instances supérieures, alors que chaque dossier du recours étudié et clôturé devient exécutoire. Pendant cette semaine, il est prévu 356 dossiers à exécuter. La province de Lumonge vient au sommet avec 66 dossiers à exécuter. Vient ensuite la province de Makamba et Chibitoke qui vont mettre en exécution 50 dossiers chacune. Nous voudrions rappeler que la Commission nationale des terres et autres biens approche la fin de son mandat qui était de 3 ans depuis le 13 mars 2019 jusqu'au 13 mars 2022. C'est-à-dire qu'il ne reste que 2 semaines avant la fin du mandat de la CNTB. La CNTB dispose aujourd'hui de 22 864 dossiers en attente de traitement, dont 19 640 au niveau des délégations provinciales et 3224 au niveau de la sous-commission de recours. C'est-à-dire que plus de 31% des dossiers sont en attente de traitement. Nous clôturons en lançant un appel à nos partenaires qui sont surtout l'administration communale et collinaire de nous aider dans la distribution des invitations de la CNTB aux partis en conflit et de suivre de près que les partis gagnants jouissent en bonne et due forme des décisions prises par la CNTB. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition à 13h01 dans le studio de la radio Isanganiro. La perméabilité des frontières et la guerre dans l'est de la RDC sont certaines des causes de prolifération des armes faisant beaucoup de dégâts dans le pays. Explication ce mardi du coordonnateur chargé des affaires juridiques au sein de la commission chargée du retrait des armes au sein de la population, commission CENAP, Thomas Ndaikengurukiye, indique qu'entre autres stratégies vont augmenter la surveillance des agents la surveillance au niveau des frontières. On l'écoute au micro d'Arthur Kavabushi. Je tiens à vous signaler que la tenue de cet atelier fait suite aux recommandations issues de la primature et que les recommandations font suite aux différents rapports sur les statistiques de la violence armée qui ont été produites par la commission et qui normalement dressent la cartographie des phénomènes criminels et aident les décideurs politiques à prendre des mesures qui s'imposent. Les défis de la prolifération des armes légères au Burundi, c'est premièrement la perméabilité de nos frontières avec les pays voisins et qui, associés aux différentes guerres qui ont sévi et qui sévissent encore à l'est de la République démocratique du Congo, et il y a lieu de craindre que les criminels aient accès à un marché illicite d'armes. Et c'est aussi, dans une certaine mesure, certains membres de code de défense de sécurité et mal intentionnés qui, à un certain moment, font recours aux armes de stocks nationaux et qui, une fois illégalement sortis de ces stocks, font partie de ces armes qui commettent ces incidents armés. Et à son récent retour de la République démocratique du Congo pour la réunion de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL, le numéro 1 burundais a précisé qu'un comité technique sera mis en place au niveau régional pour suivre de près ces groupes nuisibles. Poursuivons cette édition. Les conducteurs des véhicules assurant le transport en province Bururi demandent la mise en place du service chargé de délivrer les autorisations de transport à l'agence de l'Otraco de Bururi. Ces conducteurs de véhicules grognent qui sont obligés de descendre à Bujumbura pour recevoir ce document. Et au niveau de l'agence de l'Otraco à Bururi, ils font savoir qu'ils attendent la mise en place de ce service vu que la question est connue au niveau de la Direction générale du transport. Le pont avec Zeno Nzambiman. Même si le contrôle technique des véhicules se fait à l'agence de l'Otraco de Bururi depuis le début du mois de septembre de l'année écoulée, cette agence n'a pas encore eu de service chargé de délivrer les autorisations de transport. Pour avoir ces documents, les conducteurs de ces véhicules disent qu'ils sont obligés de descendre à Bujumbura et ils grognent qu'ils dépensent énormément. Il faut savoir qu'ils avaient salué l'ouverture de l'agence de l'Otraco à Bururi et demandent la mise en place de services chargés de délivrer les autorisations de transport à cette agence. Eric Malinakiza, chef de l'agence de l'Otraco à Bururi, fait savoir que ce cas a été déjà transmis au niveau de la Direction générale du transport et espère que ce service sera prochainement mis en place à Bururi, comme on l'a déjà fait aux agences de l'Otraco de Gitega et Ngozi. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Quittons la province Bururi, c'est au sud du Burundi pour nous rendre en province Kirundo pour parler sécurité. C'est au nom du Burundi où une dizaine de personnes, des adeptes de Zebinge Ndakumana, sont incarcérées au cachot de la commune Busoni de cette province. Cela fait 4 jours. Dismas Nzimana, administrateur de la commune Busoni, fait savoir que ces personnes ont été surprises, enfermées dans une maison située dans le site des déplacés de Rusarasi, en train de chanter, de battre le tambour. Plus de détails avec Abraham Safari. Les 13 personnes incarcérées depuis la date du 27 février de cette année sont faites de 12 femmes et un homme, et ils sont tous incarcérés au cachot de la commune de Busoni en province de Kirundo. Selon l'administrateur de cette commune, Dispas Nezimana, les victimes étaient en train de chanter avec battement de tambour et enfermées dans l'une des maisons situées dans le site des déplacés de Rusarasi. Comme le signale cette autorité, deux parmi ses adeptes, deux Zebing Ndakumana, ont fui à travers la fenêtre lorsqu'ils ont vu les policiers venir les appréhender. Là où ils sont incarcérés, ils ne cessent pas de chanter et de battre des petits bidons pris pour des tambours, ce qui ennuie la population de l'entourage, selon l'administrateur. Ce dernier continue en disant qu'ils ont même voulu les sanctionner d'amende, et certaines familles ont également voulu payer pour les leurs, mais les victimes ont voulu rester solidaires, soit pour y rester ensemble. L'administrateur d'Espace Nezimana demande à tous les groupes de prière de le faire conformément à la loi. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio Isanganiro. Et de Kirundo au nord du Burundi, rendons-nous en province de Bujumbura, côté ouest du pays, où apprendre la couture est l'une des activités d'encadrement fait à l'endroit des jeunes, dont la plupart sont des filles, au site des sinistres des inondations d'Isobel de Maranvian, commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura. Au moment où les bénéficiaires saluent l'initiative, Philemon Chimilimana, représentant de l'association coordonnant ces encadrements, explique que ces derniers se donnent dans le but de protéger les jeunes contre la délinquance. Le point avec Omer Ndouaïo. Entre autres formations livrées dans ce site, Sobel figure la couture que bénéficient les jeunes filles. Les enfants scolarisés bénéficient des révisions des cours vues dans leurs classes respectives, alors que les non scolarisés apprennent à chanter et autres jeux. Certaines des couturières saluent cet encadrement qui, selon elles, est venu au moment opportun. C'est très bénéfique pour nous, car personne ne va m'escroquer en promettant de l'argent. Au moment des apprentissages, le formateur prend le temps d'initier les apprentis. Avant de mettre une tirette, rassure-toi d'abord que tu laisses une pièce de réserve afin de savoir la hauteur à réserver à la tirette. Quant aux enfants, l'encadrement a pour but d'aider les parents afin qu'ils puissent vaquer à d'autres activités. Notre site est au bord de la route. Si les enfants sortent du site, des accidents imprévus sont possibles. Ils peuvent aussi ne pas faciliter leurs parents lors de la cuisson. C'est pourquoi nous occupons d'eux. En encadrement à la satisfaction des parents. Ça protège les enfants contre des va-et-vient. Cela nous facilite beaucoup. Appuyer les parents est l'un des objectifs de l'association Social Action for Development, actif dans le site de Sobel, qui a initié cet encadrement. Philemon Chimirimana, représentant de SAD, dit que cet encadrement fait que les jeunes ne sombrent pas dans de mauvais comportements. Il y avait beaucoup de grossesses précoces. Avant, on trouvait parfois 2-3 par trimestre. Alors, pour éviter ces grossesses précoces, on a pensé d'amener le métier pour les occuper. Peut-être ils peuvent avoir quelque chose pour eux-mêmes, pour satisfaire leurs besoins. Mis à part cet encadrement, Claude Chimirimana, responsable du volet de développement des familles et de la communauté dans ce site, signale que ces formations dépendent de ceux qui sont impliqués. Omer Ndouaïo, en ce mois dédié à la femme, et la rédaction Isanganiro s'est entretenue avec Janine Nzeiman, une femme cultivant et entretenant des fleurs de différentes sortes tout près de la rivière Nahangwa Veuve. Elle parvient à faire vivre ses 3 enfants, dont 2 écoliers. En reportage signé Jean-Marie Mayong. Nous sommes juste à côté de la rivière Nahangwa où sont plantés des arbres en bas de la route appelée chaussée du peuple Murundi. Dans cet endroit, il y a des plants de fleurs en pépinière et d'autres placés dans les sacs. Il est 10h45. Nous descendons où nous allons approcher une femme qui fait cette activité de planter et de vendre des fleurs. Elle répond au nom de Janine Nzeimana. C'est une veuve et nous signale que cette activité lui procure de l'argent pour la survie de sa famille. Cette femme précise que grâce à ce travail, elle reçoit de l'argent pour payer les frais scolaires de ses enfants, acheter de quoi à manger, sans toutefois oublier les habits pour elle-même et ses enfants. Janine Zeimana explique également qu'un grand défi rencontré est le manque de clients. Dans les mois antérieurs, elle dit qu'elle pouvait vendre les fleurs jusqu'à avoir une somme d'argent jusqu'à 400 000 francs burundais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile même de trouver une somme de 10 000 francs après vente de fleurs. Cette dame lance un appel aux autres femmes à ne pas rester bras croisés, mais d'avoir le courage de travailler et de se mettre ensemble avec d'autres femmes pour lutter contre le chômage. Elle demande également à toute personne qui peut faire quelque chose de les soutenir afin qu'elles atteignent à un autre niveau dans le développement. Janine Nzeimana dit qu'elle vient de passer plus de 12 ans à faire ce travail de planter et de vendre des fleurs. Et de son côté, c'est la satisfaction. Je vous l'annonce en titre, lancement ce mercredi de la 13e édition du Festival international du cinéma et de l'audiovisuel au Burundi Festicab. Dans une conférence de presse ce mercredi, Iranhunda Gladys, directrice du Festicab 2022, a indiqué que le thème choisi est l'entrepreneuriat et l'autonomisation économique de la femme. Le Festicab débutera en date du 27 mai jusqu'au 3 juin de cette année. On l'écoute. Cette année, c'est la 13e édition du Festicab. On a pour thème l'entrepreneuriat, autonomisation économique de la femme. Alors, on incite beaucoup plus aux femmes de s'intéresser au 7e art. Donc, on incite aussi les réalisateurs, les producteurs qui sont dans le 7e art de nous présenter leurs films pour cette audition. L'originalité pour cette année, on veut montrer aux jeunes femmes dans notre pays et même dans le monde entier que la femme peut être autonome. Elle a le droit aussi d'être autonome et de faire tout ce qu'elle veut parce qu'elle a cette force aussi de se présenter n'importe où ou de faire quoi que ce soit si elle veut. Gladys Iranhunda, directrice du Festicab 2022, dont les propos ont été recueillis par Audrey Akimana, stagiaire à notre station. Parle, rassure-moi. Une image choquante suscite la colère pour les proches de la victime, l'image étant une représentation visuelle, mentale de quelque chose. Onesfor Nibigira, photojournaliste, affirme que cela a des conséquences, notamment un sentiment de vengeance accompagné par des messages de haine. La chronique parle rassurement de ce mercredi avec Ornella Mucho. Toute image ou photo a un message, et ce message est différemment apprécié. Le photojournaliste Onesfor Nibigira précise que l'image est une représentation visuelle et mentale de quelque chose. Il y a un sémioticien italien qui a dit que le message n'est pas un paquet clos, c'est un paquet ouvert qu'elle renouvelle à chaque transmission. C'est-à-dire quoi? S'il y a cette image, il y a d'abord celui ou celle qui va voir l'image et puis il peut le dire à quelqu'un d'autre. S'il voit un cadavre, par exemple, j'ai vu un cadavre, il était ligoté, alors qu'il n'était pas ligoté. L'autre qui reçoit le message, il peut dire, tel a vu le cadavre, il était déchiqueté. Et puis, les autres vont transformer le message et voilà, jusqu'au dernier récepteur, le message aura été complètement déformé. Il ajoute que l'image a un pouvoir car elle suscite une émotion, une réaction et cela peut être la colère. Raison pour laquelle la diffusion des images choquantes peut avoir de graves conséquences, surtout sur les proches des victimes. Les images choquantes peuvent contribuer à la prolifération des messages de haine. Pourquoi? Celui qui reçoit le message, il peut voir l'image d'un cadavre d'un membre de sa famille. Et puis, quand il voit l'image, il sera choqué. Et s'il est choqué, en lui, il peut développer un esprit de vengeance. Si je vois une image qui me choque, je peux dire aux membres de ma famille, Vous voyez ce qu'ils nous ont fait? Et puis, de ces membres de notre famille, ça peut s'élargir jusqu'au clan. Ça peut s'élargir jusqu'au niveau de la région, au niveau de notre religion. Si vous voulez, au niveau de l'ethnie. Onesfor Nibigira conseille les photographes, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent à la prise des photos, d'éviter à tout prix la diffusion des images choquantes. Si tu vois une image choquante, pourquoi la prendre en photo? Pour quel motif? Si tu prends une image en photo pour l'envoyer à la police, ça c'est bon. Si tu prends une image choquante pour l'autopsie, là ça va. Mais pourquoi la partager dans des groupes? Vous vous imaginez comment va se comporter celui ou celle qui voit une image d'un membre de sa famille, une image de son enfant, une image de sa mère, une image de son cousin, cousine, qui circule dans des dizaines de groupes et qui reçoit ce message plus de 10 fois. Donc, si tu vois cette image, il ne faut pas l'envoyer. Et puis, si tu reçois un tel message, faut pas partager. Faut l'effacer, surtout. Un des principes fondés sur le droit des personnes précise qu'il est interdit de dire sans nuire, mais aussi de montrer sans choquer. On est là, mucho. Voilà, 13h15 dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à toute l'équipe de la rédaction Isanganiro qui m'a aidé à le réaliser. À Eric Ouimana qui a assuré parfaitement la mise en onde. Je dis merci. Bon début de carême aux chrétiens catholiques du Burundi et du monde. Au revoir.